Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce caprice de lecture avec un auteur que je n'ose même plus présenter parce que je crois que rien que son nom vous parlera. Je parle bien évidemment de Gilles Laporte. Bonjour Gilles. Bonjour chère Sarah. Je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Ah non, c'est moi qui suis honorée d'être reçue par vous. Merci, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre au micro de Caprice de lecture. Aujourd'hui, on va parler du goût des murs sauvages, édité le 29 août 2024 aux éditions Presse de la Cité, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, tout Super. Est juste. Super. Alors Gilles, vous avez 34 livres à votre actif. Ce petit dernier nous emmène dans les années 70 avec Loane, femme multiple pour son époque. Qui ou quoi vous a inspiré ce nouveau personnage? La vie de cette femme, la manière dont elle a résisté à toutes les attaques qu'elle avait à subir. Et les carcans imposés au féminisme à l'époque. Oui. Son courage et son engagement citoyen. Ouais. C'est tout ça que j'ai voulu honorer dans cette histoire. En plus, c'était une amie proche. Donc c'est une personne réelle. Oui. Okay. Oui, c'est une personne qui a réellement existé. D'accord. Et qui m'a confié toutes les anecdotes qu'elle pouvait me confier, aussi bien professionnelles, techniques qu'intime aussi, pour écrire ce roman. Et j'ai posé le point final de ce roman, c'était en avril 2024. D'accord. Je l'appelle pour lui dire, je viens t'en lire des extraits, te montrer ce que j'ai fait de ta vie. Elle m'a dit oui, d'accord. Elle est morte quelques jours après. Elle n'a pas eu le temps de voir ce livre. C'est terrible. Elle savait que vous écriviez sur sa vie. Bien sûr, parce qu'on s'est rencontrés souvent. Et, et je la connais depuis les années 75-80. Donc on avait une relation très, très, très proche. Une grande amitié. Très grande amitié, une confiance illimitée. Et elle était tout à fait d'accord avec ce que je faisais de sa vie. Ce que j'en faisais, un roman. Ouais. Un hommage en fait, vous rendez hommage à une amie proche, partie trop tôt. Et qui était exemplaire dans tous les domaines. Ok. Alors, Bretagne, Lorraine, deux régions chères à votre cœur, si j'en crois. Voilà, l'histoire que vous décrivez, cette histoire d'amour, voilà, ils vont se rencontrer, ils sont aux opposés de tôt et pourtant, c'est ce qui va se passer. Est-ce que cette histoire d'amour entre la Bretagne et la Lorraine, c'est un peu votre histoire d'amour avec ces deux régions? Peut-être, oui. Peut-être parce que... je sais que vous aimez bien aussi cette région. Ah, alors, Bretagne-Normandie. J'aime passionnément la Bretagne. Oui. Voilà, et du coup, je me suis, en lisant, parce que je ne savais pas que vous rendiez hommage à cette personne, et je me suis dit, mais il met aussi en parallèle un petit peu ces deux régions qu'il affectionne particulièrement. Je suis Vosgien. Fils d'une famille d'ouvriers de filature. Oui. Et d'où votre habitude de vous lever à 4h du matin. Toujours. Ça, j'avais retenu. Toujours. Ouais. Et de travailler très, très tôt le matin. Et de travailler très tôt le matin. Comme mes parents travaillaient à l'usine très, très tôt le matin aussi. Donc, j'ai gardé cette habitude. Mais surtout, ils travaillaient dans le groupe Boussac et Boussac, Marcel Boussac, ce grand patron humaniste, certains diraient paternaliste, moi je préfère humaniste, envoyait les enfants de ses ouvriers en vacances, en colonie de vacances en Bretagne. Et là, j'ai connu la Bretagne. J'avais 8-9 ans. Vous avez vu l'océan. Grâce à Marcel Boussac, grâce à lui que j'ai vu la mer pour la première fois. C'était dans les Côtes du Nord, à Dinard. Et je suis tombé amoureux de ce pays, de cette manière d'être en relation terre-mer. Oui. C'était vraiment fascinant pour un jeune garçon comme moi. De la terre, parce que les Vosges, c'est la terre. Bien sûr. Bien sûr. Et puis ensuite, je suis allé faire mon service militaire à Saint-Cyr, Couët-Quidan. J'ai connu la Bretagne de l'intérieur. Ouais. Et puis, j'ai été invité à des salons du livre ensuite, dans le golfe du Morbihan, et j'ai découvert le golfe du Morbihan et je me suis dit mais c'est merveilleux ça. Donc je louais une petite maison de pêcheur pour me retirer là-bas, m'isoler et écrire, et j'ai bien découvert donc cette région de la Bretagne sud. Et puis un jour, en me baladant dans le Finistère nord, j'ai découvert cette région à couper le souffle, qui se trouve entre Saint-Paul-de-Léon et Brest. Cette côte très sauvage, où se trouve le port de Port-Sal, c'est la région des Abers, la Beurvrac. Port-Sal qui a été si maltraité par la Mococadis et qui a été l'une des victimes de la marée noire de l'époque. Et je me suis dit que je devais enraciné mon histoire à la fois dans cette région de Bretagne extrême, ouest oui. du Finistère, et chez nous en Lorraine, dans les Vosges. Et en me souvenant de ce que me racontait toujours mon vieil ami Henri Vincenot, le bel écrivain bourguignon que tout le monde a malheureusement oublié aujourd'hui, il est mort en 85, on était très, très, très amis tous les deux, et il me répétait toujours, tu n'oublieras jamais que vous, les Vosgiens, et eux, les Bretons, vous êtes plus que des cousins, vous êtes des frères, vous êtes les deux seuls vrais Celtes de France. Donc j'ai pensé à Vincenot à chaque ligne de ce roman parce que j'ai voulu que mon héroïne soit bretonne pour qu'elle incarne cet esprit breton, cette manière de résister. Qu'on dit avoir un caractère de cochon, mais pas du tout. Caractère de résistant, du caractère. De rebelle positif et de combattant. Elle est devenue une citoyenne absolument exemplaire. Alors on va faire une première coupure musicale parce que la personnalité de Lohan donc, dans votre roman est tellement forte. On va diffuser Juliette Armanet, Flamme, parce que dans cette chanson, elle dit toute la force d'une femme face à l'amour et face à ses combats, et je trouvais que c'était plutôt bien. Voilà, c'était le moment de le diffuser. Ça me va bien. Merci, et on se retrouve juste après. J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes thèmes, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour. Prise de lecture sur Fadjet. Deuxième partie d'émission de ces caprices de lecture avec Le goût des murs sauvages, écrit par Gilles Laporte, qui est resté parmi nous. Donc, je me dis que l'ambiance en studio est plutôt bonne. Oh, je me sens bien. Hein. Ah, bah alors tant mieux. Très bien même. Alors, Gilles, je vais aborder une question un peu plus personnelle. Vous allez fêter cette année vos 80 printemps. Comment vous savez ça? Ah, j'ai mes sources. Vous êtes, à mon sens, une force de la nature et une force littéraire. On a l'impression que vous êtes un train lancé à pleine vitesse. Rien ne vous arrête. C'est quoi votre source d'énergie et vos sources d'inspiration? Ah mon Dieu, quelle question. Ah oui, je sais. Je ne sais pas y répondre, je n'y réfléchis jamais. je continue à avancer comme un train sur... Vous savez, je crois que c'est Maurice Merleau-Ponty, dans un de ses bouquins de philosophie, raconte que quand on descend un escalier, si on le fait machinalement, sans se poser de questions, on arrive en bas sans problème. Oui. Mais si dès la deuxième marche, on commence à se dire « Attends, il faut que j'avance le pied droit, on puis trébuche. Le gauche, puis... » On se casse la gueule, c'est évident. donc, je ne me pose pas de questions sur mon cheminement, sinon je me casserai la figure. Alors, mais je vais tenter de répondre quand même. D'abord parce que je suis remarquablement accompagné au quotidien. C'est très important. Pas par une femme qui partage mes passions et nos regards se rejoignent en permanence, comme super. Le dit Saint-Ex. S'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans oui, la même direction. Exact. Voilà, merci Saint-Exupéry. Et puis aussi, parce que je bosse tous les jours. Mais vous êtes un passionné, Gilles. Mais je bosse crois. Tous les jours, je travaille tous les jours. Mais est-ce que vous avez l'impression de travailler? Non. Voilà, vous prenez du plaisir à chaque page que vous écrivez. Du plaisir, parfois de la douleur, parce que oui. C'est pas toujours simple. Hein. Quand mes personnages me disent « ce matin, on n'a pas envie de travailler avec toi, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais pas avec nous. » Ça arrive. Ouais. Bon, je leur dis « d'accord, les copains, mais je vais faire autre chose. Je vais arranger mes livres dans la bibliothèque, ou je vais bricoler, ou je vais écrire autre vous chose. » Vous les laissez bouder dans leur coin et vous revenez après. Ils boudent et le lendemain, ils sont d'accord avec moi pour s'y remettre. Donc, je travaille tous les jours. C'est, quand je dis je travaille, je vis ma passion tous les jours. Ouais. Et c'est peut-être, c'est ça peut-être le moteur. Vivre de sa passion ben chaque c'est jour, ça, c'est extraordinaire. Mais je ne sais pas ce qu'est un jour de vacances, on ne part jamais en vacances, je ne sais pas ce qu'est le repos, je ne connais pas les samedis et les dimanches, pour moi il n'y a pas de fin de semaine qui brise le rythme, sauf quand je suis invité en salon du livre. Est-ce que c'est ça alors la source vitale quelque part, si chacun pouvait exercer sa vraie passion mais bien intime, sûr, mais bien sûr. Le monde irait mieux? Moi, j'en suis persuadé, mais... Le monde irait mieux, j'en suis sûr, et chacun de nos contemporains irait nettement mieux. Ouais. On n'est pas sur Terre, enfin, là, c'est ma conviction profonde, on n'est pas sur Terre pour tuer le temps, comme disent certains. Non. On est sur Terre pour vivre pleinement le cadeau qui nous est fait, là, de cette vie, et faire en sorte qu'elle soit la plus pleine possible. Parfois, on me dit, mais dis donc, à ton rythme, là, tu vis deux ou trois vies en une seule. Bah, tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais bien sûr. Oui. Si je pouvais en vivre quatre ou cinq, ce serait encore mieux. Donc, en avant. Hein. Voilà, vous avez trois vies bien remplies, oui. Déjà. Quel est l'accueil du public face au goût des murs sauvages? Vous avez déjà quelques retours? Oui, des retours enthousiastes. Trois semaines après sa parution, il était réimprimé. Donc, parce que cette vie de femme touche profondément. Oui. Parce qu'elle est, elle est exemplaire, je l'ai déjà dit, mais elle touche profondément parce qu'elle est, cette femme a incarné un courage exceptionnel, mais dont chacun est capable. Quand elle est arrivée sur le domaine agricole qu'elle reprend avec son mari, mon héroïne, Loane, qui est danseuse à la base. Qui est danseuse. Et qui dit, allez, je me retrousse les manches, je travaille avec toi. Quand elle arrive devant la commission d'installation, au préfet, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, les syndicats agricoles, et qu'on lui dit, bon alors, quels sont vos diplômes? Elle dit, je suis pris du conservatoire de danse. Pardon? Mais vous avez un diplôme agricole, horticole? Ben non. Non. Je veux donc juste diplôme, travailler. Pris du conservatoire. Voilà. Tout le monde se met à rire. Oui. Mais elle va tenir tête et elle va réussir à montrer qu'elle est capable de gérer seule, parce que son mari a eu un problème, un accident. Alors, avec beaucoup de conviction et de courage et de passion, en fait, on repousse toutes les limites. Toutes les limites. Un jour, le maire sortant de son village vient la voir pour lui dire madame, les élections sont l'année prochaine, est-ce que vous accepteriez d'être surveillée? Elle dit non. Non, je ne peux pas me présenter, vous rendez compte, la danse, parce qu'elle a ouvert un petit studio de danse dans la ville voisine, la danse plus mon boulot sur le domaine, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Il insiste, elle dit non, si, elle dit bon d'accord, je veux bien, mais je ne prends pas de responsabilité, parce que je n'ai pas le temps. Le gars dit, non, d'accord, merci. Elle est élue conseillère municipale, quelques mois plus tard, le maire meurt. La voilà bombardée, maire. De ce village. Et tenez-vous bien, Sarah, elle va faire 7 mandats successifs. 6 fois 7, 42. Pour une femme qui ne voulait aucune responsabilité. 42 ans de vie au service de la collectivité. Oui. Une vie de citoyenne. Incroyable. absolument exemplaire. Ouais. Tout en menant les autres combats, de la danse d'une part et de l'agriculture d'autre. Parce qu'en agriculture, elle voulait absolument aussi injecter dans ses pratiques des pratiques nouvelles, respectueuses de l'environnement. Elle voulait qu'on parle de, et qu'on pratique surtout la permaculture. Elle voulait qu'on pratique l'agriculture bio. Bref, tout ce qui est respectueux du monde animal, du monde végétal, même du monde minéral. Oui. Donc voilà, c'est ce courage que je voulais mettre en évidence. Elle aussi, elle a vécu 3 vies passionnantes en même temps. Oh, allez, même 5. Peut-être. Même 5, hein. Oui. Vous voyez. Oui. Comme quoi c'est possible, et une vie de mère. Et une vie de mère. Une vie de mère, d'épouse et de mère. Ouais. On va faire une deuxième coupure musicale avec Soft Cell pour Tainting Love. Et on revient juste après, Gilles, pour discuter un petit peu de votre actualité. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission de ces caprices de lecture dédiées au goût des mûres sauvages de Gilles Laporte, édité en août 2024. Gilles, pour clôturer cette émission, quelle est votre actualité pour le deuxième semestre 2025? Salon, livre, pourquoi pas? Vous pouvez nous en dire un petit peu ou... Cette année 2025 va être très très riche et chargée parce que j'ai un roman qui sort dans une autre maison d'édition en mai. D'accord. Qui est un roman très très différent. Roman, j'allais presque dire initiatique. Enfin, c'est une histoire un peu particulière. Vous sortez un petit peu de votre littérature habituelle? J'aime beaucoup. Ouais, moi, je touche à tous les genres. Hein. Ça... Je suis passé de la dramatique télévision à la poésie. Sortir un peu de sa zone de confort, des fois, c'est bien. Moi, je trouve ça super. Ça fait partie des secrets de la longévité, oui. De se remettre en question en permanence. Oui. Et de réexaminer ses manières de vie. Hein. Bon, ça, c'est très important. Donc, nouveau livre. Donc, nouveau livre en mai, dans une maison d'édition qui m'a publié dès mes débuts et qui a décidé de publier celui-là. Okay. J'ai en fin août, début septembre, le nouveau roman historique pour les presses de la cité, puisque j'en sors un par an dans cette maison. Il y aura peut-être en juin, mais c'est un peut-être qui est certain, un autre roman... J'aime beaucoup un peut-être certain, ça. faudrait que je le redise. Non, dans une autre maison d'édition, parce que j'ai 5 maisons d'édition, une par genre pratiqué. D'accord. Hein, roman historique, roman contemporain, oui. Biographie. Et puis, à l'automne, est prévue la réédition de deux de mes livres que j'ai publiés il y a déjà longtemps. D'accord. L'un qui est mon premier roman historique, Les dernières violettes de la Motte. Oui. Très, très historique, un pavé de 450 pages qui sera préfacé par un membre de l'Institut. Et puis, ma biographie de notre première bachelière de France, Julie Victoire Daubier. Donc voilà, trois nouveautés et deux rééditions. On aura donc plein d'occasions de se revoir. Chiche. Super. En salon, vous avez déjà des salons un petit peu où vous savez où vous irez, ou peut-être les auditeurs ont envie de vous rencontrer? Oui, bah, je suis invité près de Boulogne-sur-Mer, okay. Dans le Cotentin, à Saint-Valaouc, pour ne pas citer le lieu, à Metz, évidemment, Nancy, évidemment. Là, bientôt, dans quelques jours, en Lorraine, dans plusieurs salons. Okay. Donc, oui, c'est très, très... bientôt aussi, à côté de Saint-Étienne, à Firminy, dont... On ne vous arrête plus, c'est Gilles, un nouveau on ne vous salon arrête plus. Dont les organisateurs ont voulu faire de moi le... Le parrain ? Le parrain, oh, ouais, super, bon. C'est chouette, oui. C'est bien. Donc voilà, c'est le fruit d'une intervention à l'Université de Lyon où la personne organisatrice était étudiante à cette époque-là, et quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Je tiens absolument à ce qu'on fasse un salon avec vous parce que j'ai tellement été fasciné. » Bon, très bien, voilà. Super, super, félicitations. Donc voilà, ce qui est prévu pour 2025, et puis je commence à penser à 2026. Bah, évidemment. Sur les réseaux, vous avez une page Facebook, un site internet, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver votre actualité? J'ai une page Facebook que je tiens très très très au courant de ce que je fais. Gilles Laporte, tout simplement. Tout simplement. Okay. Tout simplement. Puis j'ai un blog qui s'intitule Laporte Plume en un seul mot. D'accord. Mais que je n'alimente plus beaucoup parce que c'était un blog sur lequel je publiais beaucoup de coups de cœur et de coups de gueule. Ok. Mais l'actualité est tellement riche en coups de gueule, oui, possible aujourd'hui, que j'ai décidé de prendre des distances avec ça. Donc plutôt Facebook. Plutôt Facebook. Ok. Merci beaucoup. Et puis beaucoup. LinkedIn, et puis WhatsApp de temps en temps. Et puis, okay, bon, voilà. Donc on est obligé aujourd'hui de toucher toutes ces méthodes. On n'a pas le choix. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Merci beaucoup, Gilles, d'être venu dans les studios de Fadjet pour nous Mais parler. Mais n'inversons pas les rôles. C'est moi qui vous remercie, chère Sarah. Donc, on rappelle le titre de votre dernier livre, Le goût des murs sauvages, édité aux éditions Terre de France, qui est une biographie, oui, que je conseille vivement. Romancée. Que je conseille vivement. Et qui est une, à mon avis, fabuleuse histoire d'amour. En plus. Merci beaucoup et à très bientôt dans les Caprices de lecture. Au revoir, Merci, Gilles. Merci, Sarah. Au revoir.